أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de degrés les plus complets, les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad, صلى الله عليه وسلم. Donc, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Qui veut dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. إذن يعني مرت مناسبة الإسراء والمعراج وهي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ورد ذكرها في القرآن وفي الحديث كما نعلم. Donc il est passé, donc c'était dimanche, ça tombait le 27 Rajab en fait. 27 Rajab, c'est à cette date-là qu'il y a eu ce miracle-là. C'était la nuit du dimanche. Et c'était le grand miracle cité dans le Coran, notamment sur l'Isra et dans le Hadith. إذن الإسراء ورد ما هو الإسراء هو يعني رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس. يعني هناك سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج هو عروج النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات العلى على المرقات. المعراج هي شبه السلم في درجة من فضة ودرجة من ذهب. وما المقصود من المعراج باختصار؟ هو تشريف النبي عليه الصلاة والسلام باطلاعه على عجائب العالم العلوي. Donc c'est quoi l'Isra? C'est le voyage donc de nuit de la Mecque à Jérusalem. Et après le Mi'raj, c'est l'ascension à travers les sept cieux. Donc sur le Mi'raj, c'est comme une échelle en fait, avec une marche au nord, une marche en argent. Qu'est-ce qui visait donc par le Mi'raj, l'Isra et le Mi'raj? C'est honorer le prophète alayhi salatu wassalam, et donc en lui montrant les choses étonnantes du monde céleste. وكما يعني واهم شيء في يعني في دين الاسلام هو ان الانسان يعرف ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكان، لان الذي يكون في مكان ذا حد وكميه يكون مخلوقا، يعني عنده مكان هذا ما يكونش اله. وهذا الدليل العقلي على ان الاسلام هو دين الحق، دين الانبياء، لانه الدين الوحيد اللي يوافق العقل السليم هو الاسلام. عقيدة الإسلام الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، فمن اعتقد أن الله يوصف بالكمية والشكل والحد أو أنه يسكن في السماء، هذا ما عرف الله، والذي لم يعرف الله لا يكون مسلما قطعا. ولا يكفيه يعني يلبس يعني مثل المسلمين، هذا لا يكفي. عقيدة الإسلام الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان. والرسول عليه الصلاة والسلام أكد على هذا وقال فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني بيّن أنه أهم شيء هو المعرفة بالله، والمعرفة تورث الخشية. وقال ألا وإن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع، وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. يعني أكد أهمية هذا الأمر، أنه قليل من العمل مع العقيدة الصحيحة في الله بالله تعالى هذا ينفعه الإنسان، أما كثير من العمل لكن مع الجهل بالله معناه عنده عقيدة فاسدة هذا لا ينفعهم. Donc la chose la plus importante dans la religion justement c'est de savoir que Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures, il est le créateur de toutes choses et qu'il n'est pas concerné par l'espace, le temps. Donc attribuer à Dieu la quantité et la localisation, ça contredit la croyance de l'islam qui est la croyance de tous les prophètes, qui est la seule croyance, qui est la seule religion conforme à la raison. La raison confirme que tout ce qui est une forme, une quantité, a besoin de qui lui est donné cette forme, cette quantité. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Et justement, le prophète, il a montré cela, il a dit, Fawallah, inni la a'lamkum billahi wa ashadukum lahu khashiyah. C'est-à-dire, par Allah, je suis celui d'entre vous qui a le plus de connaissances concernant ce qui est digne de Dieu et celui qui a le plus de crainte. Il a montré l'importance de connaître ce qui est digne de Dieu. Et ça amène à la crainte de Dieu. Et dans un autre hadith, il a dit, dans le sens qui signifie, certes, peu d'œuvres avec la bonne croyance au sujet de Dieu, c'est utile, et beaucoup d'œuvres en ayant une mauvaise croyance au sujet de Dieu, c'est pas utile. Donc, avoir une mauvaise croyance, c'est pas utile pour la personne. C'est pour ça que c'est vraiment la base qu'il faut bien cerner et saisir. Donc, bien sûr, donc, comme on a dit, ce qui est visé, c'est que honorer le prophète, et il ne faut pas croire que le prophète il aurait rencontré Dieu quelque part, ou des choses de ce genre, que ça contredit la raison saine, ça contredit le Coran. Et donc, يعني لا يجوز الانسان يعتقد ان النبي التقى بالله في مكان هذا موجود في بعض الكتب محرفه انما المقصود به تشريف النبي عليه الصلاه والسلام وفي تلك الليله يعني نقول يعني نزل على النبي الوحي سمع كلام الله ونزل عليه الوحي بفرضيه الصلوات الخمس اللي هي افضل الاعمال بعد الايمان. Donc cette nuit-là, le prophète, il a entendu la parole de Dieu, qui ne ressemble pas à la parole des créatures, qui n'est pas des sons, ni des lettres, ni une langue arabe, ni une autre langue. Et par cela, il a reçu la révélation de l'obligation des cinq prières, donc, qui sont la meilleure des œuvres, les cinq prières sont la meilleure des œuvres après la foi. فُرِضَ عَلَيْفِ الْأَوَّلِ خَمْسُونَ الصَّلَاتِ فرض عليه 50 صلاة ثم بسبب سيدنا موسى خففت يعني 5 فخمس فخمس إلى أن وصلت 5 يعني وبثواب 50 لمن أداها كما ينبغي. Donc au début il a reçu l'obligation de 50 prières et par la cause de سيدنا موسى ça a été allégé de 5 en 5 jusqu'à 5 avec la récompense de 50 pour celui qui l'accomplit correctement. إذن النبي نزل عليه الوحي وأغلب العلماء قالوا أن النبي في تلك الليلة رأى الله بفؤاده. هذا يعني موضوع مهم أنه نحن نعتقد ذلك الإسلام أن تعتقد بما يوافق العقل وليس بالتخيل والتفكر كما نعلم كما قال علماء الإسلام مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Donc aussi la majorité des savants ont dit que le prophète il a cette nuit il a vu Dieu par son cœur. Donc là aussi c'est un sujet important et il faut savoir que la croyance c'est pas par l'imagination mais c'est croire donc on croit en cela. Ce qui est conforme à la raison, au Coran, sans imaginer, comme on dit les savants de l'islam, quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. إذن رأى الله أعطاه القوة فرأى الله. فإن سأل إنسان يعني الله ذكر كذلك في القرآن سيدنا موسى عندما سأل الله ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فتجلى ربه للجبل فجعله دكا. يعني الله تعالى هو يعطي قوة الرؤية أعطاها للجبل فرأى الله فاندك الجبل والرؤية قوة يجعلها الله يعني في الإنسان فيرى من غير يعني أن الله تعالى يرى لا كما يرى المخلوق وكل أهل الجنة كل المسلمون في الجنة يرون الله في الآخرة المسلمون يرون الله والنبي أعطي هذا أن رأى الله بفؤاده وليس ببصره فنحن نعتقد من غير تشبيه المخلوق ترى في جهة أمام وراء يمين شمال في عن بعد مسافة قريبة أو بعيدة أما الله تعالى يرى بلا جهة سبحانه وتعالى Voilà Makan. Donc nous, on croit en cela sans assimilation, bien sûr, sans comparer Dieu aux créatures, bien sûr. Les créatures, on voit dans une localisation, dans une distance proche ou éloignée, dans une direction, mais Dieu est exempt de cela. Donc le prophète, il a vu avec son cœur, pas avec ses yeux. Les gens au paradis verront avec leurs yeux Dieu, pas comme sont vues les créatures. Donc on croit en cela sans aucune assimilation. Il a été cité dans le Coran que, aussi, Dieu a donné, donc c'est une force que Dieu donne, Dieu a donné cela à la montagne qui a vu Dieu, qui est la montagne auprès de laquelle était Sayyidina Moussa. Donc ceci c'était dans le Coran. Donc on croit sans assimilation, c'est ça la croyance, c'est croire ce qui conforme au Coran, à la raison, mais sans imagination, sans assimilation. Donc la croyance c'est pas par l'imagination. Par exemple, on donne un exemple simple, si quelqu'un il regarde le soleil se coucher vers le côté de la mer, l'imagination elle dit que le soleil rentre dans la mer, alors que ce n'est pas la réalité. Un autre exemple, Dieu a créé l'obscurité et la lumière. Personne ne peut imaginer un temps où il n'y avait ni obscurité ni lumière. Donc il y avait un temps où il n'y avait ni obscurité et la lumière, ni lumière. Parce que la première des créatures, c'est l'eau. Et l'obscurité et la lumière ont été créées après. Donc ça montre bien que ce n'est pas par la croyance, ce n'est pas par l'imagination. Mithal, yani, مثال بسيط في ذلك أنه الإنسان لو يرى الشمس تغرب في جهة البحر الخيال يقول أن الشمس تدخل في البحر أما الحقيقة غير ذلك كذلك الله أخبر قال والحمد لله الذي جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خلق النور والظلام قبل ذلك خلق الماء إذن كان هناك زمان لم يكن فيه نور ولا ظلام التخيل لا يستطيع أن يصل إلى هذا لو إنسان يتخيل لا يصل إلى أن يتخيل وقت ليس فيه نور ولا ظلام أما العقل يقبل ذلك والقرآن أخبر بذلك فإذن العقيدة الإسلامية ليس مجرد التخيل إنما موافق العقل لهذا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إذن العقل شاهد للشرع العقل ليس أصل أصل الدين هو الكتاب والسنة لكن العقل شاهد للشرع معناها كل ما في الكتاب والسنة لا يخالف العقل وكل شيء يخالف العقل فهو غير مقبول في الشريعة الإسلامية donc ainsi Allah Ta'ala nous montre dans le Coran, nous indique que de suivre la raison, comme il dit dans le verset, qui signifie certes dans la création des cieux et de la terre et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Et il dit aussi, qui signifie dans Surat al-Mulk, et ils ont dit si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc la raison est un témoin de la religion. La base de la religion, c'est le Coran et le Hadith, et la raison est un témoin. C'est-à-dire tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Et tout ce qui contredit la raison est réfuté dans la religion. Donc ça, c'est un sujet très important. Donc, واضح هل واضح يعني الكلام يعني إذا يعني مش واضح نوعين أن بعض الناس تحتاج يعني نعيد في يعني الفهم مهم في الدين الإسلامي أن الإنسان يفهم الموضوع ولو موضوع صغير لكن يفهمه donc l'important c'est de comprendre même si c'est un sujet concis mais qui soit compris donc si quelqu'un n'a pas compris donc on répète donc j'ai fait ce sujet parce que dernière fois on a fait la conférence donc département donc les gens ils ont posé la question sur ce sujet ils avaient besoin qu'on répète donc c'est un sujet important dans la religion musulmane ces sujets là c'est important de les maîtriser parce qu'ils font partie des sujets de base est-ce que c'est clair déjà ce qu'on a expliqué donc Donc on a vu ça, donc on revient à certains détails alors. Donc l'Isra ou le Mi'raj, comme on a dit, c'est ce miracle-là que le prophète il a eu. Donc beaucoup de savants ils ont dit 5e année avant l'Hijra. Donc c'est un miracle, ça veut dire quoi un miracle? Alors qui peut nous donner la définition d'un miracle? Je pense que la dernière fois on vous a expliqué c'est quoi un miracle. Donc dans ce contexte-là, c'est quoi un miracle? Donc alors, miracle c'est donc une chose extraordinaire. Al-mu'ajiza, c'est amr khariq lil'ada. Yani, laysa 'adi. Na'ti mithal fil 'ada an-nar tahraq. Idha an-nar la tahraq, kun amr khariq lil'ada. Mithal hasala sayyidina Musa, wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman 'ala Ibrahim. Ah, Moussa, Ibrahim, eh. Désolé, parce que petit problème là, j'entends pas là en ce moment, un peu. Donc, Sayyidina Moussa, Sayyidina Ibrahim, voilà, la rectification, c'est important. Donc, Sayyidina Moussa, c'est un autre miracle. Je pensais à Moussa parce que, voilà, donc, parce que c'est lui qui a incité le prophète, salam, à... qu'il allège les, qu'il demande l'allègement des 5 prières, des 50 prières jusqu'à 5. Donc Sayyidina Ibrahim. Donc voilà, c'est Sayyidina Ibrahim. Donc c'était l'exemple que j'ai donné sur c'est quoi une chose extraordinaire. Extraordinaire, c'est quelque chose qui n'arrive pas d'ordinaire. D'ordinaire, le feu il brûle. Et quand le feu ne brûle pas, c'est extraordinaire. Et l'exemple qu'on a donné, c'est Sayyidina Ibrahim, le feu ne l'a pas brûlé. Donc pourquoi j'explique ça? Parce que il ne faut pas confondre extraordinaire et impossible. Parce qu'il y a des gens, surtout des mécréants, et tout, ils vont dire « Ah, c'est impossible ce truc-là » ou des choses comme ça. Donc les miracles, c'est quelque chose de possible rationnellement, bien sûr. Parce que l'impossible, ça n'existe pas du tout. L'impossible, c'est impossible. Impossible rationnel. Pas l'impossible selon l'habitude. Moi, je disais « Amar, yani, ghayr adi, kharik l'ada, ou lakin jaiz aqlan. Anu nar tahraq ou la tahraq. » جائز عقل ما الذي خصها انها تحرق الله سبحانه وتعالى c'est-à-dire le feu donc les miracles c'est pas une chose impossible mais quelque chose qui n'est pas ordinaire donc extraordinaire mais c'est quelque chose de possible rationnel le feu il brûle ou brûle pas c'est quelque chose de possible rationnel il admet qu'il brûle ou qu'il brûle pas tel état ou tel autre ou qu'il fait aucun effet c'est du possible rationnel qui l'a spécifié par le fait qu'il brûle au lieu d'être froid ou qu'il soit neutre, c'est Dieu. Donc, c'est juste une habitude, le fait qu'il brûle. Donc ça revient aux bases, au jugement selon la raison. Et ça, c'est sujet dans l'enseignement musulman, il enseignait aux débutants, le jugement rationnel. يعني هذا الجائز العقلي والمستحيل كان يعلمونه للمبتدئين 7 8 9 سنين هيك مثل متن معروف في المغرب العربي هو متن ابن عاشر يبدا المتن باحكام الاقسام الحكم العقلي هذا يعلم مازال حتى الان في المغرب في الجزائر تونس donc par exemple on a dit ces choses selon la raison il l'enseignait à 7 8 ans comme ça il y a un traité très connu par exemple au Maghreb متن ابن عاشر le début du livre il commence par les jugements selon la raison. Donc, le mu'ajiza, c'est un amr khariq lil'ada. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ta'ti yad fi yani ala aidi al-anbiya, tasdiqan lahum fi da'wahum. Donc, le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive sur les mains des prophètes pour les confirmer dans leur véracité. C'est ça le miracle. Wala tu'arad bil mithl laysa sihran. لهذا السحرة عندما شافوا ما فعل سيدنا موسى ألقى العصا انقلب الثعبان حقيقي أسلموا لأنهم عرفوا السحر وهذا ليس سحر أمر حقيقي ليس خيال فلا يعارض بالمثل المعجزة لا تعارض بالمثل مثل ليس سحرا donc le miracle c'est pas une magie ne peut pas être contrecarré par quelque chose de semblable et c'est pour cela dans l'histoire citée dans le Coran où les magiciens quand Sayyidina Moussa alayhi salam il a lancé son bâton il s'est transformé en vrai serpent c'est pas juste une illusion et eux qui connaissaient la magie donc ils ont vu que ça c'est quelque chose de vraiment réel et se sont convertis à l'islam donc c'est ça le miracle déjà et celui qui a le plus de miracles Sayyidina Muhammad أكثر الأنبياء معجزات هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذن هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج donc c'est parmi les miracles du prophète l'Isra et le Mi'raj parce que justement لأنه هو ذهب في الرحلة من بيت المقدس إلى من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به في السماوات العلى في مدة قصيرة مدة قصيرة رجع قبل الصبح يعني جزء من الليل مع أنه ورد أن السماوات سبع ما بين السماء وسماء مسافة 500 عام فعل كل هذا في جزء من الليل فهذا أمر خارق للعادة donc c'est une chose extraordinaire parce que le prophète il a voyagé عليه الصلاة والسلام de la Mecque à Jérusalem il a voyagé à travers les sept cieux ou une partie de la nuit il est revenu avant l'aube Alors qu'il a été rapporté que les cieux, déjà, entre chaque ciel et un autre, il y a une distance de 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel, c'est 500 ans de marche. Une distance de 500 ans de marche. Donc ça, c'est une chose extraordinaire. Donc est-ce que c'est clair pour les miracles ? Mu'ajiza, mu'ajiza ? إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في طريقه أشياء يعني الله أراه أشياء يعني صورة أشياء يعني حالات يعني من يفعل هذه المعصية أو غير ذلك منها رأى يعني من يذكرنا ما رأى النبي في طريقه هكذا جيد دنيا شكل عجوز لماذا لأنه قريبة للزوال هكذا جيد يعني معناها مرة أكثر مما بقي donc il a vu donc qu'est-ce qu'il a vu donc on m'a donné un exemple qu'ils peuvent donner en français donc des choses extraordinaires enfin des choses étonnantes Dieu lui a montré des images de qui indiquent certaines choses Ça, c'est dans le chemin, donc déjà, de la Mecque et le Masjid al-Aqsa. Donc, il a vu... Donc, l'exemple qu'on m'a donné, c'est... Donc, il a vu le bas-monde de la forme d'une vieille femme. La vieille dame. D'accord. Pour montrer que c'est vers sa fin. Hein? D'autres choses chez Okhra. Il a vu le chétan. Hein chétan. Ouais, ouais. رأى الشيطان إبليس متنحيا عن الطريق وهو كان من الجن المؤمنين في أول أمره ثم كفر لاعتراضه على الله donc c'est un djinn إبليس et bien sûr n'est pas un ange donc il a vu إبليس donc إبليس bien sûr لا يجوز أن يقال إن إبليس كان طاووس الملائكة فهو لم يكن ملكا لأن الله قال إلا إبليس كان من الجن donc il n'est pas permis de dire qu'il était le chef des anges car il est un djinn comme si c'était dans le Coran ماذا رأى il a vu un taureau qui sortait d'un trou et qui voulait retourner mais il a marché oui très bien إذن رأى ثور يخرج من منفذ ضيق ثم يحاول أن يرجع فلا يستطيع. donc il a vu un taureau qui sortait d'un orifice étroit et essayait d'y revenir, il peut pas. et ça représente quoi ça? les mauvaises paroles qu'on dit et qu'on regrette mais on ne peut pas aller. voilà, très bien, c'est bien. voilà. donc ça c'est pour tirer des leçons de morale, bien sûr tout ça, ce qu'il a vu. et Jibril lui expliquait sa signification des images à chaque fois. Donc les représentations, ça aide. وكذلك يضرب الله الأمثال، يعني الأمثال تساعد الإنسان على الفهم. دونك المقصود من هذا أنه إنسان يقول الكلمة الفاسدة فيها ضرر على الناس وفتنة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع. Donc quelqu'un dit une mauvaise parole, mais tu ne peux plus la faire revenir, c'est trop tard. Donc, أكثر بخطأ ابن آدم من لسانه. La plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ولسانتهم. Beaucoup vont être jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont dit de leur langue. Donc, le danger de la langue s'est répété dans plusieurs hadiths. Donc, faire attention à ce qu'on dit et les deux anges qui notent. La plaisanterie n'est pas une excuse. Beaucoup de gens, ils plaisantent, ils mentent. Et ça, c'est interdit en islam. La yaslah al-kadhib, la fi jidd wa la fi hazm. Le mensonge n'est admis ni en plaisantant ni en étant sérieux. Qad yamzah al-insan min ghayri kadhib. Wa akhtaruhu huwa al-kufr. Anhu yastahil ma harram Allah lil-mazah. Rendre les sites que Dieu a interdits pour faire rire les gens ou se dire non musulman, les qul 'ala nafsi kafa. Hadhihi ashiya ya'ni tukhrij al-insan min al-islam. ماذا رأى كذلك؟ رأى ناس فوالا أيضا قوما ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت فقال جبريل هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأديد الصلاة. Donc il a vu des gens que la tête se fracassait, ils revenaient comme elle était, et il a dit cela, c'est ceux qui ils trouvent lourde, enfin, ils sont paresseux pour faire la prière, c'est ça que ça veut dire en fait. Et on a vu que c'est la meilleure des œuvres, après la foi. Il n'y a pas mieux que la prière, après la foi en Allah, c'est les cinq prières, c'est la meilleure des choses. Donc, et beaucoup de gens, ils négligent, c'est dit dans le Coran, « Wailu lil musallin, alladhinahum an salatihim sahun » C'est-à-dire, « Wail » c'est le grand châtiment. Châtiment intense pour ceux qui retardent la prière. Alors que dire ceux qui ne font pas du tout? C'est ceux qui font en dehors de leur temps. C'est un grand péché. Donc de faire en dehors de son temps. Bien sûr, le rattrapage reste un devoir. Parce que beaucoup de gens, ils te disent, oui, je n'ai pas fait, est-ce que je rattrape? C'est un devoir. Mais le péché, c'est de retarder. C'est un grand péché, mais il doit rattraper. Même s'il a raté 20 ans, il doit rattraper. Donc, bien sûr, rattraper, il veut dire avoir appris comment le faire. Là, nous, chofna fil hadith, ta'afu fil hadith, idhhab wa salli, fa innak lam tusalli. Trois fois, قال الرسول للرجل, يعني النية وحدها لا تكفي. Donc, dans le hadith très connu, dans Sahih Bukhari, où quelqu'un il faisait la prière, et le prophète lui dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Trois fois, à chaque fois, il revenait. Ça veut dire, il lui a pas dit, t'as la bonne attention, ça, on verra la prochaine fois, comme ils font beaucoup de gens. Non, ça veut dire que la bonne intention ne suffit pas. Il faut faire comme Dieu a ordonné. Et comment connaître ça? Il faut apprendre. Comment le faire? Réciter la Fatiha, la Qibla, etc., etc. Ça, il faut l'apprendre. C'est un devoir. C'est une néglige, il doit rattraper. Donc, il a vu cela. Il a vu ceux qui ne donnent pas la zakat. Bien sûr, beaucoup de gens, ils ne savent pas. Il faut apprendre la zakat aussi. C'est pas... الذين لا يؤدون الزكاة شارب الخمر كذلك اللي يبيع الخمر كثير الناس بيع الخمر حرام القاعدة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان entraînez-vous pour le bien et la piété ne vous entraînez pas pour le péché et l'injustice. Beaucoup de gens ils te disent ils ne boivent pas mais ils vont aider emmener quelqu'un voler ben c'est un péché. C'est l'exemple que faut donner aux gens. Beaucoup de gens des maghrébins tu les vois ils travaillent dans ces choses là aider, vendre, etc. Aider au péché, c'est un péché. C'est logique. Dans la religion, aider au péché, c'est un péché. Donc, aider au grand péché, ben, c'est un grand péché. Et consommer l'argent qui provient de cela, ben, c'est un péché. Donc, ça, y a, donc, ça vient de la ayah qu'on a citée. « Wa ta'awunu al birri wa taqwa, wa la ta'awunu al ithmu al udwan. Entraidez-vous pour le bien et la piété, ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. » Bien sûr, beaucoup de gens, ils tombent dans le péché parce qu'ils ne se fient pas à Dieu. Et la règle, c'est que c'est important de se fier à Dieu. Quiconque fait preuve de piété à l'égard de Allah, Allah lui accorde une issue, lui accorde la subsistance dont on ne s'attend pas. aussi, il faut savoir, comme il a dit le prophète, la ta'at al makhlouqin fi ma'siyat al khaliq. On n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Que Dieu dit dans le Coran, qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Sama' wal basar wal wujud ila ghayri dhalika. Le verset il signifie, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. De voir, de respirer, etc. Des bienfaits que tu ne peux pas dénombrer. Donc, il faut obéir à Dieu en priorité. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de nous. Allah ghani al alamin. Qala ta'ala, man amila khayran fa nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. C'est-à-dire, celui qui fait un bien, c'est pour lui. Celui qui a fait un mal, ça sera contre lui. Certes, Dieu n'est pas injuste envers les créatures. Donc, c'est le manque de peur de Dieu que les gens ils font cela. Si quelqu'un se rappelle le bienfait que Dieu lui a accordé, que les yeux, tu ne peux pas les changer, tu vas certainement, tu les changeras pas contre même tout l'or de la terre. Donc ça, c'est le bienfait de Dieu et d'autres bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Donc on doit obéir à Dieu en priorité, bien sûr. Donc il a vu ceux qui se... griffer le visage aussi, ça, la médisance aussi, beaucoup de gens. Médisance, parmi les du musulman, parce qu'il lui déplaît en son absence. Et ça, beaucoup de gens, ils le font. Et il a vu aussi, qu'est-ce qu'il a vu? Ouais, d'accord, voilà, il a vu ceux qui commettent la fornication. D'accord, l'état de zina. Et donc là aussi, on le trouve même dans le pays musulman, beaucoup de gens, à cause de. C'est important de savoir ça, parce que des gens, ils sont dans zina aussi, c'est le fait que quelqu'un ne fait pas un mariage valable aussi. C'est pas zina juste. Aller expressément en visant Zina. Il peut faire Zina sans le savoir. Il n'est pas excusé, bien sûr. On n'est pas excusé. Dit sont-ils équivalents, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Beaucoup de gens ils te disent, ah, ils ne savaient pas. Mais dans l'islam, il y a une règle de base. Quelqu'un est pubère, saint d'esprit, qui a entendu la base de l'appel d'islam, doit chercher à savoir. Si quelqu'un vit dans une jungle toute sa vie, il n'a pas entendu la base de l'appel d'islam, il ne rend pas des comptes. Mais quelqu'un est pubère, il est saint d'esprit, il a entendu la base de l'appel d'islam, il doit chercher à connaître. Il remplit les conditions de la responsabilité selon la loi de Dieu. Al-baligh al-aqil alladhi balaghat udar al-islam fard alayhi an yata'allam. Fa ba'd nas tilqa nas yani tasma' hikayat yani mshiu 'ind al-imam wa ya'mal lahum 'aqd fasid shar'an, yani al-'aqd كما قلنا الصلاة عندها شروط العقد الشرعي عنده شروط كما on a vu la prière elle a des conditions dans le hadith où le prophète il voit quelqu'un il lave pas le talon il a dit quoi ويل للأعقاب من النار يعني شاف إنسان لا يخسر العقب قال ويل ما قالوش هي معليش حاجة صغيرة هذه تتعدى il lui a pas dit c'est un petit truc ça passe il lavait pas le talon donc s'il te lave pas le talon le wudu n'est pas valable la prière n'est pas valable. Donc, il n'a pas dit c'est un petit truc, ça passe. Donc, Dieu a ordonné, c'est comme ça. Dieu n'a pas besoin de toi. Et il n'a pas besoin de nous. Donc, on doit faire selon ce que Dieu a ordonné. Et bien, le mariage aussi, il a des règles. On entend plein de gens, ils te disent, qui appellent pour des questions. Et puis, souvent, il s'avère que le mariage n'était même pas valable, alors que le mariage musulman, il est très facile. Si on ne fait pas un mariage valable, il y a relation dans la fornication. Donc, ça rentre dans cela, la fornication aussi. Parce qu'il a négligé d'apprendre. Il est parti voir un imam, ils font un manger, ils lui donnent de l'argent et puis il va dire, il récite des choses. Par exemple, il y en a qui croient que c'est juste en récitant le Fatiha, non. Riyal ijaba wal qabul az-ziwaj. Amama shahidayn. Donc il peut être pas valable si on n'a pas rempli les conditions, ils sont très faciles les conditions en islam. Ou parce qu'il y a un cas d'apostasie aussi. Ar-radda, waqa'a fi ar-radda ahaduhuma, fa la yasah al-'aqd. Idha kan yusib billah, yusib ad-din. كثير ناس تسمع حتى يعني من الأخوة والأخوات تقول أبوه يسب الدين ويعيش مع أمه إلى غير ذلك في الحرام إذا سب الدين بالمذاهب الأربعة هذا بطل العقد دونك سيلون كاتر ايكول سي كاكين انسولت ديو كوم سارتان سينيرف دون المغرب و اوتر ben ça annule le mariage, ils continuent à vivre comme ça. Certains, quelques-uns, alhamdoulilah, ils sont venus, ils ont refait. Il y a des gens, ils ont expliqué à leurs parents. J'entends pas très bien, désolé. يعني امور تافهه تلقى حتى يعني سب الدين تقع في القهوه انا شخصيا نمشي يعني اخيرا تلقى ناس سب الدين ثم ناس تشرح لها يتشهد وثم ناس يعني لهذا الامر معروف النهي عن المنكر واجب النصيحه واجبه في الاسلام كنتم خير امه اخرى للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نقوم الاكسبيكي او بلاد Même en allant, donc récemment, on entend les gens dans le café, ils insultent Dieu pour un match de foot, des choses comme ça. Et le problème, c'est que les mosquées, elles n'expliquent rien. C'est des gens ignorants, mais même dans la mosquée eux-mêmes, c'est des ignorants. Et c'est là, le prophète, il l'a vu, Khutaba al-Fitna, Ra'anas tuqradu al-sinatuhum bimakarif minna. Il a dit, il a vu des gens qui étaient pincés avec des tenailles de feu. C'était les gens qui disent, qui incitent aux gens, ils disent les fausses informations, ils égarent les gens, et ça c'est souvent dans les mosquées, même au bled, les imams, ils sont ignorants eux-mêmes. L'exemple, des gens, on insulte Dieu, et le vendredi, ils leur parlent d'un sujet rien à voir, qui n'a aucun rapport, et ils ne conseillent même pas les gens qu'il faut revenir à l'islam, parler de témoignages. Il y en a, il va dire, ils disent, ah, il a fait la mécréance, mais ils ne savent même pas dire les deux témoignages pour revenir à l'islam. Bien sûr, ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Donc, il y a des gens, et c'est rare, t'entends, alhamdoulilah, l'autre fois, quelqu'un il a expliqué à ses parents, puis ils sont revenus, ils ont refait le mariage. Et ça, tu trouves un sur mille ou sur combien. Il y en a, ils marchent avec l'habitude, et les on dit. Ah, les gens ils disent ça, et nos habitudes c'est ça, comme les mécréants de Quraysh. À l'époque du prophète, ils marchaient selon l'habitude. Ils disaient, ah, nos parents c'est comme ça. Et le prophète l'a dit dans le hadith, il a dit, Bada ad-din ghariban, wa sa'id ghariban kama bada. Il a commencé étrange, et ça reviendra étrange comme il était, comme il a dit le prophète. Au début, il disait « Ma sami'na bihada fil millati l'akhira, in hada illa akhtilaq. » Si c'était dans le Coran, il disait « Ah, mais c'est étonnant ce qu'il nous dit là. » Il dit que Dieu il est unique, ou des choses comme ça. Et là, pareil, les gens, tu leur expliques la croyance, que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, ils s'étonnent. Tu leur expliques les règles, ils s'étonnent. Presque tout, ils s'étonnent. Ils sont habitués à l'ignorance. « Wa li hada al-Nabi qal ya'ti zaman l'mutamassiki mithi ma antum alayhi ajru khamsin. » قالوا بنا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم يعني إذا يأمر معروف ينصح الناس عنده أجر 50 من الصحابة لأنه الأمر صار أصعب بكثير الناس فهمها ضعيف وكذا ولا تفهم donc le prophète il a dit qu'il y aura un époque celui qui s'attache à ceux à quoi vous attachez il aura la récompense de 50 ils ont dit de parmi eux ou de parmi nous il a dit de parmi vous c'est-à-dire dans le fait d'ordonner bien d'interdire le mal Parce que les gens, ils ont du mal à comprendre, ils ont une compréhension très très faible par rapport à avant, et ils sont habitués dans le haram, etc. Donc il a la récompense de 50 parce que ça demande plus d'efforts en fait de conseiller les gens. Des fois, tu as besoin de répéter 50 fois, 20 fois, certains gens qui sont habitués 30 ans dans l'ignorance. Donc ça, parmi les choses qu'il a vues, le prophète justement, les gens ignorants, et surtout quand ils voient à la télé des gens qui sont payés pour c'est ce genre de gens, ils s'habillent comme des musulmans et ils disent la mécréance. تلقى ناس عنده لحية كبيرة يعني سبحان الله يسمي نفسه حزب إسلامي ويقول للناس معليش تسب النبي وتعبد أي شيء معليش ويقول ليقول الله عنده ابن مثل المسلم يعني كفريات تعم تسمعها في التلفزة وهذا الناس تسمي نفسها حزب إسلامي وكذا وكذا. Les gens ils s'appellent ils sont avec des barbes et tout ça ils se disent parti islamique ou des choses de ce genre en fait et ils vont dire des choses vraiment aberrantes on le voit clairement ils disent que tu peux insulter Dieu que tu peux insulter le prophète et c'est des choses qu'on voit et ça c'est ça accentue l'égarement des gens parce que comme il a dit le rasoul قال inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'u min an-nas walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama' حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا وأضلوا. يعني بعض الناس يقول فرقت هذا. الرسول قال ضلوا وأضلوا، أنت تبعته من غير دليل فأنت يعني وقعت في الضلال مثله. Donc le prophète nous dit que parmi les signes de la fin du monde, il y aura presque pas de savants et les gens prendront comme référence des ignorants qui, interrogés, répondront sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des gens qui les suivent. Que des gens, ils suivent comme ça avec les mains. Après, tu dis, ah, mais lui, c'est lui qui prend sur moi, alors que c'est faux. Et le hadith, il dit, ils sont égarés, ils ont égaré les gens qui les ont suivis. Ils s'égarent parce qu'ils le suivent sans preuve. Parce que beaucoup de gens, justement, ils suivent parce qu'il est connu, il a une apparence. Il a une certaine notoriété, plein de livres, il passe dans des grandes chaînes, etc. Ça, c'est nullement une preuve dans la religion. La preuve, comme il a dit un grand compagnon, il a dit « Laysa al-haqqu yu'raf bil-rijali, walakin al-rijala yu'rafuna bil-haqq. Hujja bil-shari'a bil-haqq. » Ce n'est pas par les personnes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les personnes. C'est ce qu'il a dit le quatrième calife. Donc, c'est la preuve, c'est la vérité. Ce n'est pas un tel, il est connu. Et d'ailleurs, l'exemple très connu, Omar, quand il s'est trompé, Omar, quand il s'est trompé, Omar a dit tout le dalil du Coran, il a dit Omar, et il a dit Omar. Il a dit Je suis un peu plus de temps, et je suis un peu plus de temps, et je suis un peu plus de temps. Les gens qui ont dit Tu es un docteur, tu es un peu plus de temps, et tu es un peu plus de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, par exemple, l'exemple concret là-dedans, Omar. Il était calife, il a la bonne nouvelle qu'il va au paradis, etc., etc., le deuxième meilleur compagnon. Quand il s'est trompé, une femme lui a donné une preuve du verset, il a dit « Omar s'est trompé », une femme a dit vrai. Elle n'a pas dit « T'es qui toi, tu parles avec Omar ?» Comme les gens maintenant, quand tu mets en garde contre quelqu'un, il te dit « Mais t'es qui toi ?» Lui c'est un docteur, il passe à la télé, il a plein de livres, plein de vues sur YouTube, etc., etc. Et tout ça, c'est, bien sûr, ce n'est pas une preuve dans la religion. Donc ça, c'est tout ça pour tirer, bien sûr, des leçons. Donc, حَتَّ الْإِنسَانِ يَعْنِي يَأْخُذْ دَرْسْ مِنْ هَذَا وَيَتْمَسَّكْ بِالدِّينِ لِهُوَ أَهَمْ شَيْءٍ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك رأى شيء آخر, يعني قصة مهمة رأى النبي, يعني ماذا رأى؟ قصة يعني شم رائحة من قبر ماشي ده. Il a aussi une chose qui illustre tout ce qu'on a dit aussi, c'est que le prophète il a senti une bonne odeur qui émanait de la tombe d'une personne et Jibril lui expliquait ça c'est la coiffeuse de la fille de Pharaon. Donc elle a tellement un degré important que le prophète il lui a été accordé de voir sa tombe et de sentir une belle odeur qui sortait de sa tombe. Et c'est quoi donc le résumé de son histoire, c'est qu'elle a préféré s'attacher à l'islam plus important, et ça rejoint l'histoire des magiciens devant la menace de Pharaon. Donc dans les deux cas, ils ont préféré s'attacher à l'islam. Et ces histoires nous montrent bien, illustrent bien le fait que s'attacher à l'islam, c'est le plus important en fait. Parce que le châtiment comme celui de Pharaon, ou n'importe quel autre châtiment dans cette vie, reste passager. C'est ce qu'ils ont répondu, les pharaons, les magiciens à Pharaon qui voulaient les exécuter, ils m'ont dit « Ton châtiment, il est passager, alors que celui qui meurt mécréant, le châtiment de Dieu n'a pas de fin. » Et ça montre qu'elle s'est attachée, alors que des gens, pour quelques, comme il a dit le prophète, « Yabi'u dinahu li'arad min ad-dunya qalil » des gens, donc on voit loin de cette situation où des gens, de nos jours, ils vendent leur religion pour un bien minime du bas-monde, comme il l'a dit le prophète. Juste pour une place, pour un pouvoir, ou peu d'argent. Il y a des gens, n'est-ce pas, pour peu d'argent, il va emmener des gens faire de la mécréance. Un exemple clair et net, il y a des gens, « Finesse, yati shwa yamal, yahmiluhu al-kufr. » Ou l'ulama dhakaru, annu, li'ana al-ma'asya ma'asya, kama bayanna, wa li'ana al-kufr kufr. إذا جارك يقول لك وين كنيسة تحمله الكنيسة بالمال أو بغير مال وهو سيفعل الكفر أنت تعينه على الكفر فهذا خروج من الإسلام إعانة على الكفر كفر. لو قال لك وين أبوك سأقتله هل تحمله ما تحملوش فالكفر أشد. Donc on a un exemple, c'est quelqu'un vient et te dit il est où ton père, je vais le tuer. Tu m'emmènes, même s'il donne de l'argent, tu vas pas l'emmener. Ben, si il te dit où est tel lieu, il va faire la mécréance, c'est encore plus grave. Donc c'est l'exemple qu'on donne aux gens qui ont du mal à comprendre. Un exemple simple comme ça, ça permet de mieux réfléchir. S'il te dit où est ta mère, je vais la tuer, tu ne vas pas lui dire, même s'il donne de l'heure. Et ben, plus grave que tu es ta mère, c'est la mécréance associée à Dieu. Donc si quelqu'un te demande de l'aider, ben, tu ne vas pas l'aider. Et c'est pour ça que le prophète nous dit « Yabi'u dinahu li'arad min ad-dunya qalil » Ils font sa religion pour un bien du bas monde minime. Et là, la coiffeuse de la fille de Pharaon et les magiciens, ben, il les a menacés, Pharaon, d'être exécutés. Et donc, il a tué donc, de l'eau bouillante, lui, elle et ses enfants. Elle est restée ferme sur l'islam. Elle est morte martyre. Donc, c'est ça la leçon à tirer aussi. Donc il faut tirer des leçons, bien évidemment. Le plus important, c'est de rester sur l'islam. C'est ça le plus important pour la personne, parce que cette vie, bien sûr, elle est passagère. Hein. Les gens, ils meurent tous les jours. Donc, c'est la réalité. Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, قال, الكيسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. L'intelligence, c'est celui qui se rendait compte à lui-même, qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Les gens les plus intelligents, c'est qu'ils se rappellent le plus la mort. Et ceux qui se rappellent le plus, c'est qu'ils se préparent le plus. Pourquoi c'est intelligent? Parce qu'ils voient loin. C'est ça l'intelligent. Ils voient loin parce que cette vie, tu ne sais pas hein, ce qui te reste à vivre. Hein, mais mourir, tu es sûr. Donc c'est pour ça là, une belle phrase que disent les savants. اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Donc ça, c'est un bon exemple. Ils disent les savants, يعني الدنيا معليش تأخر تمشي واحدة واحدة أما الآخرة لابد تستعجل حتى تؤدي الواجبات وتستنى المحرمات. Ils disent, œuvre pour ton bas monde, c'est comme tu vivais tout le temps. C'est-à-dire le bas monde, et œuvre pour l'au-delà comme tu mourrais devant. Donc c'est-à-dire pour le bas monde, même si tu retardes les choses, tu fais petit à petit, tu avances petit à petit. Donc, tout ce qui concerne le bas-monde, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu meurs, tu n'emmènes rien. Mais pour l'au-delà, il faut se hâter. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas appris le minimum, tu ne sais pas comment prier, tu ne pratiques pas, il faut se hâter. Et ça, c'est la réalité même. Parce que mourir, c'est sûr. Donc, ça, c'est, tout ça, c'est des leçons qu'il a vues le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, concernant son voyage. Et quand il a prié imam de tous les prophètes, on l'a vu, parce que tous les prophètes bien sûr sont des musulmans, de Adam jusqu'à Muhammad. Et donc Isa n'a pas été crucifié, il a été élevé au ciel. Une remarque aussi, quand ils sont arrivés là-bas, Jibril lui a ramené un récipient de lait et un récipient de la boisson du paradis. Donc le khamar ici, هنا اي خمر الجنه الذي ورد في القران خمر اللذه للشاربين وليس خمر الدنيا. Ici, parce que le mot khamar désigne la boisson délicieuse qui citait dans le Coran et ça désigne aussi le vin. Donc quand Jibril lui a ramené ce qui citait dans le hadith, khamar c'est ici la boisson du paradis, c'est pas la boisson interdite dans ce moment. فالنبي اختار اللبن هو الحليب. قال تمسكت بالفطره يعني هذا الدليل علامه تمسك بالدين. Donc le prophète il a choisi le lait, Jibril lui a expliqué que il s'est attaché, c'est un signe de l'attachement à la religion. Et donc alors dans les cieux il a vu des choses étonnantes aussi comme le paradis et il a vu l'ange gardien du paradis, il a vu l'ange gardien de l'enfer qui sourit jamais, Malik. مالك الذي لا يضحك هو خازن النار اي الى في ها ما سمعتش مليح جون ديزولي جون سي با سا فاس دي بوشي ها صريف اقلام الملائكه سامع ايه انا جي في ان ريزومي مي ouais en fait ce avec quoi les anges écrivent. Parce que les anges, justement, donc c'est intéressant ce point-là, c'est que les anges, ils notent de la table préservée, donc des choses, en fait, qu'il y aura telle chose, etc., etc. Tout ça, c'est, ils notent Donc Dieu le fait savoir les anges certaines choses de l'avenir. Et justement, quand les anges discutent entre eux, les anges du premier ciel, ben, il y a les djinns qui vont écouter, et ceux-là qui vont des informations à des charlatans. C'est pour ça qu'on entend certains charlatans, ils disent des choses qui arrivent vraies. Un tel va devenir président, un tel va, telle catastrophe dans tel lieu, etc. Ben, c'est pas qu'ils connaissent l'avenir, il n'y a que Dieu qui sait. Même le prophète, il ne sait pas l'avenir, il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Donc c'est qu'ils ont volé cette information des anges. Puis ils rajoutent des mensonges, etc. Ils vont des charlatans qui existent hein, maintenant, qui essayent d'utiliser ces informations pour gagner de l'argent avec les gens. Mais les djinns, ils leur imposent de faire tel grand péché, tuer des enfants, des trucs comme ça, comme ils font au bled, ou faire la mécréance, écrire avec l'urine, le Coran, des choses comme ça, ou le sang, et ça arrive. Des gens racontent... Il y avait un, et après sa mort, son cercueil il a brûlé. Après, ils ont vu dans sa chambre, il mettait le Coran avec les excréments et tout ça. Ils font ça, c'est ceux qui font la magie en Afrique et tout. Donc, voilà, il a vu. Comme on l'a dit, il est arrivé à lieu, il a reçu la révélation. Comme Moussa, quand dans son chemin aussi, Jibril lui disait de faire des prières dans des endroits où il y avait les prophètes, pour le baraka. Yani, Jibril dallahu an yusalli fi amakin kana fiha al-anbiya. Bayt Laham, yani Tour Sina, Madian, il arrive avec Mont Sina, Madian, où il y avait Shu'aib, Bethléem, où il est né Sinaï. Donc, si Moussa, il a reçu la révélation, il était au Mont Sinaï, et le prophète, il a reçu une révélation, il était dans les sept, au-dessus du septième ciel. Mais Dieu n'est pas concerné par l'espace, le temps, bien sûr. Et donc, il a vu le paradis, il a vu le trône. Le trône aussi. Le trône, l'arche, akbar jism khalaqahu Allah. Le trône, le plus grand corps que Dieu a créé. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin du trône. Dieu a créé les anges, les trônes, les humains, plein de créatures, mais il n'en a pas besoin. Il y a une autre créature qui s'appelle al-kursi. D'autres créatures. Donc, Allah dit dans le Coran, قَالَ تَعَالَى وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. يعني الملائكة تطوف بالعرش وتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. العرش كبير جدا. يعني الرسول قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع. السماوات هي يعني من عندها حدود لا نرى حدودها من كبرها. Les cieux ils sont très grands, on voit même pas les limites. Mais ils ont une limite. Et ben, il dit que les sept cieux, par rapport au Kursi, c'est même pas le trône, hein. C'est, au Kursi, c'est un anneau dans un désert. Donc c'est une autre créature, le Kursi. Et le Kursi lui-même, par rapport au trône, c'est comme un anneau dans le désert. والكرسي نفسه بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات يعني هذا يدل على عظم العرش والله غني لا يحتاج لا للعرش ولا للكرسي ولا لشيء من خلقه غني هو خلق العرش وكان قبله c'est lui qui a écrit le trône existait avant le trône donc celui qui attribue à Dieu le besoin il n'est pas musulman hein. C'est catégorique ça le besoin contredit la divinité comme si quelqu'un dit Dieu a des enfants ou des choses comme ça c'est mécréant. Ça, c'est des choses donc catégoriques. هذه أشياء يعني لا نقاش فيها أنه من نسب الله المكان والزمان هذا ليس مسلم قطعا مهما كان صفته لا يعظم مهما بلغ به الجهل. Donc il y a pas d'excuse là-dedans parce que adorer la règle c'est quoi? Adorer autre que Dieu c'est de la mécréance et tout ce qui est une forme une quantité c'est autre que Dieu. أن يعبد غير الله هذا الله حرمه شرك ليعبد غير الله مشرك كل ما عنده جسم وكمية ومقدار هذا غير الله فلا يكون لا يكون مسلم من عبد غير الله إذن العرش خلقه الله كما قال سيدنا علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكان لذاته نقيم علي التي سيخت جواك خيل ترون كم منفستسون ستو بيسانس et ne se l'est pas pris comme un droit pour lui-même. Donc Dieu n'a besoin de rien. Donc attribuer à Dieu le besoin, ça contredit la divinité. Donc la croyance, c'est toujours important de savoir, comme il a dit, comme c'est dit dans le Coran, قال تعالى ولا يحيطون به علما لا يحيطون به علما يعني المخلوقات لا تحيط علم بالخالق تعرف الله سبحانه وتعالى يعني هذا يعني واحد مات اعطانا كتاب كان درس في الخمسينات في تونس يعلم اطفال صغار في المدارس الابتدائيه معرفه الله هي معرفه ما يجب له ما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه هذا يعلم فيه الاطفال. Donc il y avait quelqu'un qui est décédé, on m'a ramené un livre. Il a donné un livre, c'était école primaire dans les années 50 en Tunisie. Ils expliquent aux enfants, connaître Dieu, c'est connaître ce qui est obligatoire à son sujet, l'exempter de ce qui est impossible à son sujet, et connaître ce qui est possible à son sujet. Comme créer une chose ou ne pas la créer. Donc ça, tu demandes peut-être à un imam, il ne saura pas l'expliquer, un imam de maintenant. C'est ça, c'est important. Bien sûr, tant qu'on n'est pas mort, il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, non, maintenant, je ne suis plus âgé, donc je n'apprends pas. C'est, comme on dit les ulama, « La yastahi kabir al-sinn an yata'allam kama la yastahi an ya'kul » Qalahu, yani Sayyidina Ali. Il a dit, Sayyidina Ali, la personne âgée n'a pas honte à apprendre, tant que, tout comme elle n'a pas honte à manger. Il ne dit pas, c'est la retraite pour manger maintenant. Et bien, il continue à manger jusqu'à la mort. Bien, il a dit, pareil, il continue à apprendre. Et donc, معرفة الله هي معرفة ما يجب له ما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. Connaître Dieu, c'est connaître ce qui est obligatoire à son sujet, l'exempter de ce qui est impossible à son sujet, et savoir ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. Mais connaître sa réalité, c'est impossible. ولا يحيطون بعلم أي المخلوق لا يحيط علما بالخالق. يعني لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. المخلوقات لا تعلم حقيقته. لهذا نقول الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان. Connaître sa réalité, il y a que Dieu qui sait sa réalité. Donc le verset ولا يحيطون بعلم, c'est-à-dire il ne cerne pas sa réalité. Et c'est cela la parole de Abu Bakr al-Siddiq, العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك. C'est ça la parole d'Abu Bakr à retenir. Reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu, c'est une connaissance. Connaître, ça, croire que Dieu il existe, qu'il ne ressemble pas à ses créatures, qu'il parle sans langue ni lèvres, qu'il n'est pas concerné par l'espace, le temps, qu'il ne change pas, et se suffire de cela, et de connaître les attributs de Dieu, ça c'est la croyance, c'est ça la foi. Mais celui qui il veut comparer Dieu aux créatures, il veut imaginer une chose, etc., qu'il l'ait fabriqué ou non, ben, il est mécréant, il adore autre que Dieu. Il a dit, il trahit les choses et il aboude, c'est pas musulman. المؤمن هو اللي يعتقد الله موجود لا يشبه شيء لا يتغير موجود بلا كيف ولا مكان كلامه ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها هذا هو المؤمن. C'est cela le croyant. Donc voilà, j'espère que c'est clair. واضح؟ C'est clair؟ Oui. L'imam Ali, c'est laquelle? لا يستحي كبير السن يعني هذه هي قال لا يستحي تيميديتي لا يستحي ما يستحيش يعني لا يستحي كبير السن ان يتعلم كما لا يستحي ان ياكل فلا يستحيل سي با يستحيل لا يستحي دونك لا بيرسون اجي نا با اونت ا ابراند تو كوم لا باونت با مانجي سي سا لا بارول دو سيدنا علي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا حلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده سامي ومعصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا